Batata Bamama, c'est le commandant Lay qui vous parle. Mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous entrons à la vitesse Mach 2 et c'est la Monca de la Mancha.